Chapitre 35. Angéline de Montbrun, Amina d'Harville. Vous n'avez pas oublié notre voyage aux Aulnay, ni cette pauvre mademoiselle des îles si difforme. Elle n'est plus, et après sa mort, on m'a remis une lettre d'elle, qui ne sera pas inutile. Mina, comme cette pauvre disgraciée nous aimait, mon père et moi, et qu'elle a souffert. C'est fini. Maintenant, la terre a été foulée sur son pauvre corps, et pour moi, voilà Véronique des îles parmi ses ombres chères, qu'on traîne après soi, à mesure qu'on avance dans la vie. J'ai reçu vos deux lettres, et bien des choses m'ont profondément touché. Vous savez comme il vous plaignait à son heure dernière, et volontiers je dirais comme lui, pauvre petite Mina. Votre frère m'a envoyé de vos cheveux. Veuillez le remercier de ma part, et lui faire comprendre qu'il ne doit plus m'écrire. À quoi bon ? Chère sœur, je ne puis regarder sans émotion ces belles boucles brunes que vous arrangiez si bien. Qui nous eût dit qu'un jour cette superbe chevelure tomberait sous le ciseau monastique, qu'une guimpe de toile blanche entourerait votre charmant visage? Ma chère mondaine d'autrefois, comme j'aimerais à vous voir sous votre voile noir. Ainsi vous voilà consacrée à Dieu, obligée d'aimer notre Seigneur d'un amour de vierge et d'épouse. Ce qu'on dit contre les vœux perpétuels me révolte. Honte au cœur qui, lorsqu'il aime, peut prévoir qu'il cessera d'aimer. Mon ami, je ne dors guère, et en entendant sonner 4 heures, votre souvenir me revient toujours. Ma pensée vous suit, tout attendrie, dans ces longs corridors des Ursulines. J'ai assisté à l'oraison des religieuses. J'aimais à les voir immobiles dans leur stalle, et toutes les têtes, jeunes et vieilles, inclinées sous la pensée de l'éternité. L'éternité, cette mer sans rivage, cet abîme sans fond, où nous disparaîtrons tous. Si je pouvais me pénétrer de cette pensée. Mais je ne sais quel poids formidable m'attache à la terre. Où sont les ailes de ma candeur d'enfant? Alors je me sentais porté en haut par l'amour. Mon âme, comme un oiseau captif, tendait toujours à s'élever. Oh, le charme profond de ces enfantines rêveries sur Dieu, sur l'autre vie. J'aimais mon père avec une ardente tendresse, et pourtant je l'aurais laissé sans regret pour mon père du ciel. Mina, c'était la grâce encore entière de mon baptême. Maintenant, la chrétienne, aveuglée par ses fautes, ne comprend plus ce que comprenait l'innocence de l'enfant. Mina, j'ai vu de près l'abîme du désespoir. Ni Dieu ni mon père ne sont contents de moi, et cette pensée ajoute encore à mes tristesses. Dans votre riante chapelle des Ursulines, j'aimais surtout la chapelle des Saints, où je priais mieux qu'ailleurs. Pendant mon séjour au pensionnat, tous les jours j'allais y faire brûler un cierge, pour que la Sainte Vierge me ramène à mon père, sain et sauf. Et maintenant, je voudrais que là, au pied de Notre-Dame du Grand Pouvoir, une lampe brûlât, nuit et jour, pour qu'elle me conduise à lui. Je suis charmé que vous soyez sacristine. Vous faites si merveilleusement les bouquets. Quel beau panier de fleurs je vous enverrai, si vous n'étiez si loin. Ma chère Mina, soyez bénie pour le tendre souvenir que vous donnez à mon père. Puisque votre fils vous permet d'aller dans l'église, je vous prie ne passez un jour sans vous agenouiller sur le pavé qui le couvre. Cette fosse si étroite, si froide, si obscure, je l'ai toujours devant les yeux. Vous dites que dans le ciel, il est plus près de moi qu'autrefois. Mina, le ciel est bien haut, bien loin, et je suis une pauvre créature. Vous ne pouvez comprendre à quel point il me manque, et le besoin, l'irrésistible besoin, de me sentir serré contre son cœur. Le temps ne peut rien pour moi. Comme disait Eugénie de Guérin, les grandes douleurs vont en creusant, comme à la mer. Et le savait-elle, comme moi? Elle ne pouvait aimer son frère, comme j'aimais mon père. Elle ne tenait pas du tout de lui. Puis rien ne m'avait préparé à mon malheur. Il avait toute la vigueur, toute l'élasticité, tout le charme de la jeunesse. Sa vie était si active, si calme, si saine, et sa santé si parfaite. Sans ce fatal accident, c'est peut-être une perfidie de la douleur, mais je reviens toujours là. Mon ami, vous savez que je ne me plains pas volontiers, mais votre amitié est si fidèle, votre sympathie si tendre, qu'avec vous mon cœur s'ouvre malgré moi. Ma santé s'améliore. Qui sait combien de temps je vivrai? Implorez pour moi la paix, ce bien suprême des cœurs morts. 1er juillet. Pourquoi dans mon esprit revenez-vous sans cesse? Ô jour de mon enfance et de mon allégresse, qui donc toujours vous rouvre en nos cœurs presque éteints? Ô lumineuse fleur de souvenirs lointains! Parmi les papiers de mon père, j'ai trouvé plusieurs de mes cahiers d'études qu'il avait conservés, et comme cela m'a reporté à ces jours bénis où je travaillais sous ses yeux, entouré, pénétré par sa chaude tendresse. Quel soin ne prenait-il pas pour me rendre l'étude agréable? Il voulait que je grandisse, heureuse, joyeuse, dans les libertés de la campagne, parmi la verdure et les fleurs, et pour cela il ne recula pas devant le sacrifice de ses goûts et de ses habitudes. La vue de ces cahiers m'a profondément touché. J'ai pleuré longtemps. Oh, le bienfait des larmes! Parfois cette divine source tarit absolument. Alors je demeure plongé dans une morne tristesse. Vainement, ensuite, je cherche mes bons sentiments, mes courageuses résolutions. La douleur, cette virile amie, élève et fortifie, mais la tristesse dévaste l'âme. Comment se garantir de cette langueur consumante? Je ne vis guère dans le présent, et pour ne pas voir l'avenir, qui m'apparaît comme une morne et désolée solitude, je songe au passé tout entier disparu. Ainsi, le naufrage, qui n'a que l'espace devant lui, se retourne, et dans sa mortelle détresse, interroge la mer, où ne flotte plus une épave. Oui, tout a disparu. Ô mon Dieu, laissez-moi la mère volonté des larmes. 3 juillet. Je ne devrais pas lire les méditations. Cette voix molle et tendre a trop d'écho dans mon cœur. Je m'enivre de ces dangereuses tristesses, de ces passionnés regrets. Insensés, j'implore la paix et je cherche le trouble. Je suis comme un blessé qui sentirait un âpre plaisir à envenimer ses plaies, à en voir couler le sang. Où me conduirait cette douloureuse effervescence? J'essaie faiblement de me reprendre à l'aspect charmant de la campagne, mais le soleil des vivants n'échappe plus les morts. 6 juillet. Oublier, est-ce un bien? Puis-je le désirer? Oublier qu'on a porté en soi-même l'éclatante blancheur de son baptême et la divine beauté de la parfaite innocence? Oublier la honte insupportable de la première souillure, la salutaire amertume des premiers remords? Oublier l'âpre et fortifiante saveur du renoncement, les joies profondes, les religieuses terreurs de la foi? Oublier les aspirations vers l'infini, la douceur bénie des larmes, les rêves délicieux de l'âme virginale, les premiers regards jetés sur l'avenir, ce lointain enchanté qu'illuminait l'amour? Oublier les joies sacrées du cœur, les déchirements sanglants et les illuminations du sacrifice, les révélations de la douleur? Oublier les clartés d'en haut, les rayons qui s'échappent de la tombe, les voix qui viennent de la terre, quand on aimait le plus, y a disparu. Oublier qu'on a été l'objet d'une incomparable tendresse, qu'on a cru à l'immortalité de l'amour. Oublier que l'enthousiasme a fait battre le cœur, que l'homme s'est ému devant la beauté de la nature, qu'elle s'est attendrie sur la fleur saisie par le froid, sur le nid où tombait la neige, sur le ruisseau qui coulait entre les arbres dépouillés. Oublier, laisser le passé refermer ses abîmes sur la meilleure partie de soi-même. N'en rien garder, n'en rien retenir, ce qu'on a aimé, les voir disparaître de sa pensée, comme de sa vie, les sentir tomber en poudre dans son cœur. Non, la consolation n'est pas là. 7 juillet. La consolation, c'est d'accepter la volonté de Dieu, c'est de songer à la joie du revoir, c'est de savoir que je l'ai aimé autant que je pouvais aimer. Dans quelle délicieuse union nous vivions ensemble, rien ne me coûtait pour lui plaire. Mais je savais que les froissements involontaires sont inévitables, et pour en effacer toute trace, rarement je le quittais le soir, sans lui demander pardon. Chère et douce habitude qui me ramena vers lui la veille de sa mort. Quand je pense à cette journée du 19, quelles heureuses folles nous étions, Mina et moi, jamais jour aussi douloureux eut-il une veille si gaie. Combien j'ai béni Dieu ensuite d'avoir suivi l'inspiration qui me portait vers mon père. Ce dernier entretien restera l'une des forces de ma vie. Je le trouvais qui lisait tranquillement. Nob se dormait à ses pieds devant la cheminée, où le feu allait s'éteindre. Je me souviens qu'à la porte, je m'arrêtais un instant pour jouir de l'aspect charmant de la salle. Il aimait passionnément la verdure et les fleurs, et j'en mettais partout. Par la fenêtre ouverte, à travers le feuillage, j'apercevais la mer tranquille, le ciel radieux. Sans lever les yeux de son livre, mon père me demanda ce qu'il y avait. Je m'approchai, et m'agenouillant, comme je le faisais souvent devant lui, je lui dis que je ne pourrais m'endormir, sans la certitude qu'aucune ombre de froideur ne s'était glissée entre nous, sans lui demander pardon, si j'avais eu le malheur de lui déplaire en quelque chose. Je vois encore son air moitié amusé, moitié attendri. Il m'embrassa sur les cheveux en m'appelant « sa chère folle » et me fit asseoir pour causer. Il était dans ses heures d'enjouement, et alors sa parole, ondoyante et légère, avait un singulier charme. Je n'ai connu personne dont la gaieté se prit si vite. Mais ce soir-là, quelque chose de solennel m'oppressait. je me sentais ému, sans savoir pourquoi. Tout ce que je lui devais me revenait à l'esprit. Il me semblait que je n'avais jamais apprécié son admirable tendresse. J'éprouvais un immense besoin de le remercier, de le chérir. Minuit sonna. Jamais Glas ne m'avait paru si lugubre, ne m'avait fait une si funèbre impression. Une crainte vague et terrible entra en moi. Cette chambre si jolie, si riante, me fit soudain l'effet d'un tombeau. Je me levai pour cacher mon trouble et m'approchai de la fenêtre. La mer s'était retirée au large, mais le faible bruit des flots m'arrivait par intervalles. J'essayai résolument de raffermir mon cœur, car je ne voulais pas attrister mon père. Lui commença dans l'appartement un de ces va-et-vient qui étaient dans ses habitudes. La fille du Tintoret se trouvait en pleine lumière. En passant, son regard tomba sur ce tableau qu'il aimait, et une ombre douloureuse couvrit son visage. Après quelques tours, il s'arrêta devant et resta sombre et rêveur, à le considérer. Je l'observais sans oser suivre sa pensée. Nos yeux se rencontrèrent, et ses larmes jaillirent. Il me tendit les bras et sanglota. « Ô mon bien suprême, ô ma Tintoret !» Je fondis en larmes. Cette soudaine et extraordinaire émotion, répondant à ma secrète angoisse, m'épouvantait, et je m'écriai « mon Dieu, que va-t-il donc arriver ?» Il se remit à l'instant et essaya de me rassurer, mais je sentais les violents battements de son cœur, pendant qu'il répétait de sa voix la plus calme « ce n'est rien, c'est la sympathie pour le pauvre Jacques Robusti !» Et comme je pleurais toujours et frissonnais entre ses bras, il me porta sur la causeuse au coin du feu. Puis il alla fermer la fenêtre et mit ensuite quelques morceaux de bois sur les tisons. La flamme s'éleva bientôt vive et brillante. Alors, revenant à moi, il me demanda pourquoi j'étais si bouleversé. Je lui avouai mes terreurs. « Bah, dit-il légèrement, des nerfs. » Et comme j'insistais, en disant que lui aussi avait senti l'approche du malheur, il me dit « J'ai eu un moment d'émotion, mais tu le sais, Mina, assure que j'ai une nature d'artiste. » Il me badinait, me raisonnait, me câlinait, et comme je restais toute troublée, il m'attira à lui et me demanda gravement « Mon enfant, si moi ton père, j'avais l'entière disposition de ton avenir, serais-tu bien terrifié ?» Alors, partant de là, il m'entretint avec une adorable tendresse de la folie, de l'absurdité, de la défiance envers Dieu. Sa foi entrait en moi, comme une vigueur. La vague, l'horrible crainte disparut. Jamais, non jamais, je ne m'étais senti si profondément aimé. Pourtant, je comprenais, et avec quelle lumineuse clarté, que rien dans les tendresses humaines ne peut faire soupçonner ce qu'est l'amour de Dieu pour ses créatures. Ô mon Dieu, votre grâce me préparait au plus terrible des sacrifices. C'est ma faute, c'est ma très grande faute, si l'éclatante lumière qui se levait dans mon âme n'a pas été croissant jusqu'à ce jour. Chose singulière, le parfum de l'héliotrope me porte toujours à cette heure sacrée, la dernière de mon bonheur. Ce soir-là, il emportait une fleur à sa boutonnière, et ce parfum est resté pour jamais mêlé au souvenir de cette soirée, la dernière qu'il ait passée sur la terre. 8 juillet. Quand je vivrai encore longtemps, jamais je ne laisserai ma robe noire, jamais je ne laisserai mon deuil. Après la mort de ma mère, il m'avait voué à la Vierge, et d'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours porté ses couleurs. Pourrait-elle l'oublier ? C'est pour mes voiles d'orpheline que j'ai abandonné sa livrée, que je ne devais quitter qu'à mon mariage. Ses couleurs virginales plaisaient à tout le monde, à mon père surtout. Il me disait qu'il ne laissait jamais passer un jour se rappeler à la Sainte Vierge que je lui appartenais. 10 juillet. Le mardi d'avant sa mort, de bonne heure, nous étions montés sur le cap. Rien n'est beau comme le matin d'un beau jour, et jamais je n'ai vu le soleil se lever si radieux que ce matin-là. Autour de nous, tout resplendissait, tout rayonnait. Mais, indifférent à ce ravissant spectacle, mon père restait plongé dans une méditation profonde. Je lui demandais ce qu'il regardait en lui-même, et répondant à ma question par une autre, comme c'était un peu son habitude, il me dit « Penses-tu quelquefois à cet incendie d'amour que la vue de Dieu allumera dans notre âme ?» Je n'étais pas encore disposé à le suivre dans ces régions élevées, et je répondis gaiement « En attendant, serrez-moi contre votre cœur. » « Ma pauvre enfant, reprit-il ensuite, nous sommes bien terrestres. Mais tantôt ce tressaillement de la nature à l'approche du soleil m'a profondément ému, et toute mon âme s'est élevée vers Dieu. » L'expression de son visage me frappa. Ses yeux étaient pleins d'une lumière que je n'y avais jamais vue. Était-ce la lumière de l'éternité qui commençait à lui apparaître ? Il en était si près. Et avec quelle consolation je me suis rappelé tout cela, en écoutant le récit que saint Augustin nous a laissé, de son ravissement pendant qu'il regardait, avec sa mère, le ciel et la mer d'Ostie. J'aime saint Augustin, ce cœur profond, qui pleura si tendrement sa mère et son ami. Un jour, en parlant à son peuple des croyances superstitieuses, le fils de tant de larmes disait « Non, les morts ne reviennent pas ». Et son âme aimante en donne cette touchante raison « J'aurais revu ma mère ». Et moi, pauvre fille, ne puis-je pas dire aussi « Les morts ne reviennent pas ». J'aurais revu mon père, lui si tendre pour mes moindres chagrins, lui qui était comme une âme en peine dès qu'il ne m'avait plus. Tant d'appels désolés, tant de supplications passionnées, et toujours l'inexorable silence, le silence de la mort. 12 juillet. J'aime à voir le ciel disparaître à travers les grands arbres de la forêt. La voilà déjà qui dépouille sa parure de lumière pour s'envelopper d'ombre. À l'horizon, les nuages pâlissent. On dit beau comme un ciel sans nuages, et pourtant que les nuages sont beaux lorsqu'ils se teignent des feux du soir. Tantôt, en admirant ces groupes aux couleurs éclatantes, je songeais à ce que l'amour de Dieu peut faire de nos peines, puisque la lumière, en pénétrant de sombres vapeurs, en fait une merveilleuse parure au firmament. Lorsqu'il fait beau à la tombée de la nuit, je me promène dans mon beau jardin. Ce jardin si délicieux, disait Maurice, que les amoureux seuls y devraient entrer. C'est charmant d'entendre les oiseaux s'appeler dans les arbres. Avant de regagner leur nid, il y en a qui viennent boire et se baigner, au bord du ruisseau. Ce ruisseau, qui tombe de la montagne, avec des airs de torrent, coule ici si doux. C'est plaisir de suivre ces gracieux détours. On dirait qu'il ne peut se résoudre à quitter le jardin. J'aime ce faible bruit parmi les fleurs. Les images de ma jeunesse s'élèvent avec cette voix. Elles m'inondent de tristesse, et je me souviens d'autrefois. 13 juillet. Mon serin s'ennuie. Il bat de l'aile contre les vitres. Pauvre petit. Se sentir des ailes et ne pouvoir les déployer. Qui ne connaît cette souffrance? Qui ne connaît le tourment de l'impuissante aspiration? 15 juillet. J'ai donné la ferme des Aulnay à Marie Desroches, et cet acte m'a fait plaisir à signer. Qu'aurais-je fait de cette propriété? Je suis déjà trop riche, peut-être, et d'ailleurs, si sa mort m'eût été moins prompte, mon père, j'en suis convaincu, aurait laissé quelque chose à sa filleule, qu'il affectionnait. Pour elle, cette ferme, c'est la vieillesse heureuse et paisible de son père. C'est l'avenir assuré. Oh, si sa joie est belle à voir. 16 juillet. Tous les dimanches, après les vêpres, Paul et Marie viennent me voir, un peu, je pense par affection pour moi, et beaucoup par tendresse pour le serin qui leur garde une nuance de préférence, dont ils ne sont pas peu fiers. Ces gentils enfants sont charmants dans leur toilette de première communion. Marie surtout est à croquer, avec sa robe blanche et le joli chapelet bleu qu'elle porte en guise de collier. Paul commence à se faire à la voir si belle, mais les premières fois, il avait des éblouissements. Le jour de leur première communion, je les invitais à dîner, et les ayant laissés seuls un instant, je les trouvais qui s'entre-regardaient, avec une admiration profonde. Ces aimables enfants m'apportent souvent de la cour à l'orzine, pour les corbeilles. Marie compte fort bien leurs petites aventures. L'autre jour, en allant chercher leurs vaches, ils s'étaient assis sur une grosse roche pour se reposer, quand une énorme couleuvre allongea sa tête hideuse de dessous la roche. Marie crut sa dernière heure arrivée et se mit à courir, mais Paul, conservant son sang-froid, la fit monter sur une clôture. Puis il marcha résolument vers la grosse roche et lapida la couleuvre et ses petits. Il y en avait 7. Marie frémit encore en pensant qu'elle s'est trouvée si près d'un nid de couleuvres. Depuis ce jour-là, mon petit frère a pris pour elle les proportions d'un héros. Il n'a peur de rien, dit-elle avec conviction, et Paul triomphe modestement. J'aime ces enfants. Leur conversation me laisse quelque chose de frais et de doux. Bien volontiers, je contenterais toutes leurs petites envies, mais je craindrais que leur visite ne devinsse intéressée. Aussi, pour l'ordinaire, je ne leur donne qu'un peu de vin pour leur grand-mère. Ils s'en vont contents. 20 juillet. Le jour éclatant m'assombrit étrangement, mais j'aime le demi-jour doré, la clarté tendre et douce du crépuscule. Malgré la tristesse permanente au fond de mon âme, la beauté de la nature me plonge parfois dans des rêveries délicieuses. Mais il faut toujours finir par rentrer, et alors la sensation de mon isolement me revient avec une force nouvelle. Par moments, j'éprouve un besoin absolument irrésistible de revoir et d'entendre Maurice. Il me faut un effort désespéré pour ne pas lui écrire. Venez, et fidèle à sa parole, il viendrait. 21 juillet. N'aimait-il donc en moi que ma beauté? Ah, ce cruel étonnement de l'âme! Cela m'est resté au fond du cœur comme une souffrance aiguë, intolérable. Qu'est-ce que le temps, qu'est-ce que la raison peut faire pour moi? Je suis une femme qui a besoin d'être aimée. Parfois, il me faut un effort terrible pour supporter les soins de mes domestiques, et pourtant ils me sont attachés, et la plus humble affection n'a-t-elle pas son prix? Mon Dieu, que je sache me vaincre, que je ne sois pas ingrate, que je ne fasse souffrir personne. 23 juillet. Temps délicieux. Pour la première fois, j'ai pris un bain de mer, ce qui m'a valu quelques minutes de sérénité. Autrefois, j'étais la première baigneuse du pays, la reine des grèves, disait Maurice. Depuis mon deuil, je n'avais pas revu ma cabane de bain, ni cet endroit paisible et sauvage où j'étais venu pour la dernière fois avec Mina. Je l'ai trouvé changé. La crique a toujours son beau sable, ses coquillages, ses sinuosités et sa ceinture de rochers à fleur d'eau. Mais la jolie butte qui abritait ma cabane s'en va, rongée par les hautes mers. Un cèdre est déjà tombé. Et les deux vigoureux sapins dont j'aimais avoir l'ombre dans l'eau, minés par les vagues, penchent aussi vers la terre. Cela m'a fait faire des réflexions dont la tristesse n'était pas sans douceur. Une montagne finit par s'écrouler en flots de poussière, et un rocher est enfin arraché de sa place. La mer creuse les pierres et consume peu à peu ses rivages. Ceux donc qui habitent des maisons debout ne seront-ils pas beaucoup plus tôt consumés? 25 juillet. J'aime me rapprocher des pauvres, des humbles, c'est-à-dire des forts qui portent si vaillamment de si lourds fardeaux. Souvent, je vais chez une pauvre femme restée sans autre ressource que son courage, pour élever ses trois enfants. La malheureuse a vu périr son mari presque sous ses yeux. La mère a gardé le corps, mais quelques heures après le naufrage, la tempête jetait sur le rivage les débris de la barque avec les rames du pêcheur. Et la veuve a croisé les rames en travers des poutres, au-dessus de la croix de bois noir, qui orne le mur blanchi à la chaux de sa pauvre demeure. Cette jeune femme m'inspire un singulier intérêt. Jamais elle ne se plaint, mais on sent qu'elle a souffert. Pour elle, le rude et incessant travail, les privations de toutes sortes, ne sont pas ce qu'il y a de plus difficile à supporter. Mais elle accepte tout. Il faut gagner son paradis, me dit-elle parfois. Il y a sur ce pâle et doux visage quelque chose qui fortifie, qui élève les pensées. Que de vertus inconnues brilleront au grand jour, que de grandeurs cachées seront dévoilées chez ceux que le monde ignore ou méprise. Un jour, Ignace de Loyola demanda à Jésus-Christ, qui dans le moment lui était le plus agréable sur la terre, et notre Seigneur répondit que c'était une pauvre veuve qui gagnait à filer son pain et celui de ses enfants. Mon père trouvait ce très charmant, il disait, « Quand je vois mépriser la pauvreté, je suis partagé entre l'indignation et l'envie de rire. » 26 juillet. Longtemps je me suis arrêté à regarder la mer toute fine, haute et parfaitement calme. C'est beau comme le repos d'un cœur passionné. Pour bouleverser la mer, il faut la tempête. Mais pour troubler le cœur, jusqu'au fond, que faut-il? Hélas, un rien, une ombre. Parfois tout agit sur nous, jusqu'à la fumée qui tremble dans l'air, jusqu'à la feuille que le vent emporte. D'où vient cela? N'en est-il pas du sentiment comme de ces fluides puissants et dangereux qui circulent partout et dont la nature reste un si profond mystère? Dieu ne donne pas à tous la sensibilité vive et profonde. Ni la douleur ni l'amour ne vont avant dans bien des cœurs. Et le temps y efface les impressions aussi facilement que le flot efface les empreintes sur le sable. On dit que le cœur le plus profond finit par s'épuiser. Est-ce vrai? Alors c'est une pauvre consolation. Rien de la terre n'a jamais cru parmi les cendres. Les bords du volcan éteint sont à jamais stériles. Pas une fleur, pas une mousse ne s'y verra jamais. La neige peut voiler l'affreuse nudité de la montagne, mais rien ne saurait embellir la vie qu'une flamme puissante a ravagée. Ces ruines sont tristes. Ce que le feu n'y consume pas, il le noircit. 27 juillet. Une dame très bien intentionnée a beaucoup insisté pour me voir et m'a écrit qu'elle ne voudrait pas partir sans me laisser quelques paroles de consolation. Pauvre femme! Elle me fait l'effet d'une personne qui, avec une goutte d'eau douce au bout du doigt, croirait pouvoir adoucir l'amertume de la mer. Qu'on me laisse en paix. 28 juillet. C'est une chose étonnante comme ma santé s'améliore. Ma si forte constitution reprend le dessus, et souvent je me demande avec épouvante si je ne suis pas condamné à vieillir dans l'isolement de l'âme et du cœur. Mon courage défaille devant cette pensée. Pour me distraire, je fais tous les jours de longues promenades. J'en reviens fatigué, ce qui fait jouir du repos. Mais qui est triste d'habiter avec un cœur plein une maison vide? Ô mon père, le jour de votre mort, le deuil est entré ici pour jamais. Parfois je songe à voyager, mais ce serait toujours aller où nul ne nous attend. D'ailleurs, je ne saurais m'éloigner de Valrian, où tout me rappelle mon passé si doux, si plein, si sacré. Autant que possible, je vis au dehors. La campagne est dans toute sa magnificence, mais c'est la maturité, et l'on dirait que la nature sent venir l'heure des dépouillements. Déjà, il se recueille, et parfois s'attriste, comme une beauté qui voit fuir la jeunesse et qui songe aux rides et aux défigurements. 2 août. Aujourd'hui, j'ai fait une promenade à cheval. Maintenant que mes forces me le permettent, je voudrais reprendre mes habitudes. D'ailleurs, les exercices violents calment et font du bien. En montant ce noble animal que mon père aimait, j'avais un terrible poids sur le cœur, mais la rapidité du galop m'a étourdi. Au retour, j'étais fatigué, et il m'a fallu mettre mon beau sultan au pas. Alors les pensées me sont venues tristes et tendres. Je regrette de n'avoir rien écrit, alors que ma vie ressemblait à ces délicieuses journées de printemps, où l'air est si frais, la verdure si tendre, la lumière si pure. J'aurais du plaisir à revoir ces pages. J'y trouverai un parfum du passé. Maintenant, le charme est envolé. Je ne vois rien qu'avec les yeux qui ont pleuré. Mais il y a des souvenirs de bonheur qui reviennent obstinément, comme ces épaves qui surnagent. 4 août. Depuis ma promenade, ma pensée s'envole malgré moi vers la Malbaie. J'ai des envies folles d'y aller, et pourquoi? Pour revoir un endroit où j'ai failli me tuer. C'est au bord d'un chemin rocailleux, sur le penchant d'une côte. Il y a beaucoup de cornouillers le long de la clôture, et par-ci par-là quelques jeunes aulnes qui doivent avoir grandi. Si Maurice passait par là, se souviendrait-il? Et pourtant, si j'étais morte, alors, quel vide, quel deuil dans sa vie et dans son cœur! C'était il y a 3 ans. En revenant d'une excursion au Saguenay, nous nous étions arrêtés à la Malbaie. Mon père, Maurice et moi, aussi à l'aise à cheval que dans un fauteuil, nous faisions de longues courses, et un jour, nous nous rendîmes jusqu'au port au Percy, sauvage et charmant endroit qui se trouve à 5 ou 6 lieues de la Malbaie. Au retour, l'orage nous surprit. La pluie tombait si fort que Maurice et moi nous décidâmes d'aller chercher un abri quelque part, et nous étions à attendre mon père, que nous avions devancé, quand un éclair sinistre nous brûla le visage. Presque en même temps, le tonnerre éclatait sur nos têtes et tombait sur un arbre, à quelques pas de moi. Nos chevaux épouvantés se cabrèrent violemment. Je n'eus pas la force de maîtriser le mien. Il partit. Ce fut une course folle, terrible. La respiration me manquait. Les oreilles me bourdonnaient affreusement. J'avais le vertige. Pourtant, à travers les roulements du tonnerre, je distinguais la voix de Maurice, qui me suivait de près, et me criait souvent « N'ayez pas peur !» Je tenais ferme, mais au bas d'une côte, à un détour du chemin, mon cheval fit un brusque écart, se retourna, bondit par-dessus une grosse roche, et, fou de terreur, reprit sa course. Maurice avait sauté à terre et attendait. Quand je le vis s'élancer, je crus que le cheval allait le renverser. Mais il le saisit par les naseaux et l'arrêta net. Ce moment d'angoisse avait été horrible. Toute ma force m'abandonna. Les rênes m'échappèrent, je tombais. D'un bond, Maurice fut à côté de moi. Par un singulier bonheur, j'étais tombé sur des broussailles qui avaient amorti ma chute. Je n'avais aucun mal. J'étais seulement un peu étourdi. Mon père arrivait à toute bride, mortellement inquiet. Il comprit tout d'un coup d'œil et, dans un muet transport, nous serra tous deux dans ses bras. « Oh mon Dieu, vous le savez, sa première parole fut pour vous remercier, et la douceur de ce moment. Brisé de fatigue et d'émotion, j'étais absolument incapable de marcher. La pluie tombait toujours à torrents. Mon père m'enleva comme une plume et m'emporta à une maison voisine, où nous fûmes reçus avec un empressement charmant. J'étais mouillé jusqu'aux os, et dans la crainte d'un refroidissement, on me fit changer d'habit. Une jeune fille mit toutes ses robes à mon service. J'en pris une de flanelle blanche. Comme elle n'allait pas à ma taille, la maîtresse de séance ouvrit son coffre et en tira un joli petit châle bleu. « Son châle de noces, me dit-elle, en me l'ajustant avec beaucoup de soin. « Vous l'avez parée belle, répétait sans cesse la digne femme. Si vous étiez tombée sur les cailloux, vous étiez morte. « Oui, défigurée pour la vie, ajoutait la jeune fille, qui avait l'air de trouver cela beaucoup plus terrible. « Le monsieur qui a arrêté votre cheval est-il votre cavalier ? Me dit-elle à l'oreille. Ma toilette finie, elle me présenta un petit miroir et me demanda naïvement si je n'étais pas heureuse d'être si belle. Si j'aurais pu supporter le malheur d'être défigurée. En sortant de la chambre, je trouvai mon père et Maurice. Oh, cette belle lumière qu'il y avait dans leurs regards. Malgré leurs habits dégouttants d'eau, tous deux avaient l'air de bien heureux. L'orage avait cessé. La campagne rafraîchie par la pluie resplendissait au soleil. La rosée scintillait sur chaque brin d'herbe et pendait aux arbres en gouttes brillantes. L'air délicieux à respirer nous apportait en bouffée la saine odeur des foins fauchés et la senteur aromatique des arbres. Jamais la nature ne m'avait paru si belle. Debout à la fenêtre, je regardais ému, ébloui, ce lointain immense et magnifique, où la mer éblouissante se confondait avec le ciel, m'apparaissait comme une image de l'avenir. Mon Dieu, pensais-je, qu'il fait bon de vivre. Assis sur un escabeau à mes pieds, Maurice me regardait. Eh bien, bah, je lui dis, merci. Une flamme de joie passa ardente sur son visage, mais il resta silencieux. Voyez donc comme c'est beau, lui dis-je. Il sourit et répondit dans cette langue italienne qu'il affectionnait. Béatrice regardait le ciel, et moi je regardais Béatrice. C'est tout. Près de la pointe aux cèdres, dans un ravin sans ombrage, sans verdure, sans eau, de jeunes époux sont venus s'établir. Ils ont acheté et réparé, tant bien que mal, une chétive masure, qui tombait en ruine, et y vivent heureux. Le bonheur est au-dedans de nous, et qui sait si la magie de l'amour ne peut pas rendre une pauvre cabane aussi agréable que la grotte de Calypso. Il m'arrive souvent de passer par le ravin. Je porte à ces nouveaux mariés un intérêt dont ils ne se doutent guère. Cet après-midi, je voyais la jeune femme préparer son souper. Quand il fait beau, trois pierres disposées en trépied auprès de sa porte lui servent de foyer, et quelques branches sèches suffisent pour cuire le repas. Elle est attrayante et porte ses cheveux blonds à la Suissesse, en lourde natte sur le dos. C'est charmant de la voir assise sur une bûche devant son humble feu et surveillant sa soupe, tout en tricotant activement. Je suppose qu'elle n'a pas d'horloge, car elle interroge souvent le soleil. Ô charme de l'attente, je me sens plus triste encore quand je la vois. Voudrais-je donc qu'il n'y eût plus d'heureux sur la terre? Heureux, oui, ils le sont, car ils ont l'amour et tout est là. Je leur ai fait dire de venir cueillir des fruits et des fleurs aussi souvent qu'il leur plaira. 8 août. Chacun a regagné son lit, excepté ma bonne vieille Monique, qui s'obstine à croire que j'ai besoin de soins, et fait la sourde oreille quand je l'envoie se coucher. Mais elle ne fait pas plus de bruit qu'une ombre. Autour de moi, tout est tranquille. Le parfum des grèves, ce parfum que Maurice aimait tant, m'arrive pénétrant et âpre. Là-bas, sur les ondes argentées, on voit courir des étincelles de feu. Mais la mer est calme, étrangement calme. Et je n'entends rien que le murmure du ruisseau à travers le jardin, et par-ci par-là le broussement des feuillages au passage de la brise. Qui n'a senti ses yeux se mouiller devant le calme profond de la campagne, à demi plongée dans l'ombre? Qui n'a prêté une oreille charmée à ces divins silences, à ces vagues et flottantes rumeurs de la nuit? Mon Dieu, j'aurais besoin d'oublier combien la terre est belle. Le jour distrait toujours un peu, mais la nuit, l'âme s'ouvre tout entière à la rêverie, et quand le cœur est troublé, l'imagination répand partout, avec ses flammes, des flots de tristesse. Vainement, j'essaie de regarder le ciel. Il faut des eaux calmes pour en refléter la beauté, et mon âme n'est plus qu'une onde obscure où le sable a monté. 9 août. Dans l'isolement, et quand l'âme a encore sa sensibilité tout entière et toute vive, il y a une étrange volupté dans les souvenirs qui déchirent le cœur et font pleurer. Ces chers souvenirs de tendresse et de deuil, je m'en entoure, je m'en enveloppe, je m'en pénètre, ou plutôt ils sont l'âme même de ma vie. Cette conduite n'est pas sage, je le sais, mais qui n'aime mieux la tempête que l'homme calme plat, ce calme terrible qui abat, qui anéantit les plus fiers courages. 15 août. J'ai honte de moi-même. Qu'ai-je fait de mon courage? Qu'ai-je fait de ma volonté? Jamais, non jamais, je n'aurais cru que l'âme pût se renverser ainsi dans les nerfs. Je ne saurais rester en repos. Je suis parfaitement incapable de tout travail, de toute application quelconque. Malgré moi, mon livre et mon ouvrage m'échappent des mains. Tout m'émeut, tout me trouble, et même en la présence de mes domestiques, des larmes brûlantes s'échappent de mes yeux. Ô mon père, que penseriez-vous de moi, vous si noble, vous si fier? Moi, je n'y peux rien. À mesure que mes forces reviennent, le besoin de le revoir se réveille terrible dans mon cœur. La prière ne m'apporte plus qu'un soulagement momentané, ou plutôt je ne sais plus prier, je ne sais plus qu'écouter mon cœur désespéré. Ô mon Dieu, pardonnez-moi. Ces regrets passionnés, cette dévorante tristesse, ce sont les plaintes folles de la terre d'épreuve. Je ne saurais les empêcher de croître. Ô mon Dieu, arraché et brûlé, je vous le demande, je vous en conjure. Ah, que de fois, pendant les jours terribles que je viens de passer, n'ai-je pas été me jeter à vos pieds? J'ai peur de moi-même, et je passe des heures entières dans l'église. Ô Seigneur Jésus, vous le savez, ce n'est pas vous que je veux, ce n'est pas votre amour dont j'ai soif, et même en votre adorable présence, mes pensées s'égarent. Hier, il faisait un vent furieux, une épouvantable tempête. À genoux dans l'église, le front caché dans mes mains, j'écoutais le bruit de la mer moins troublé que mon cœur. Au plus profond de mon âme, d'étranges de sauvages tristesses répondaient au rugissement des vagues, sur la grève solitaire, et par moments des sanglots convulsifs déchiraient ma poitrine. L'église était déserte. Une humble chandelle de suif, allumée par la femme d'un pauvre pêcheur, brûlait sur un long chandelier de bois, devant l'image de la Vierge. Ô Marie, tendez votre douce main à ceux que l'abîme veut engloutir. Ô Vierge, ô Mère, ayez pitié. 17 août. Si, une fois encore, je pouvais l'entendre, il me semble que j'aurais la force de tout supporter. Sa voix exerçait sur moi une délicieuse, une merveilleuse puissance, et seule, elle put m'arracher à l'accablement si voisin de la mort, où je restais plongé après les funérailles de mon père. Tant que j'avais eu sous les yeux son visage adoré, une force mystérieuse m'avait soutenu. Sa main, sa chère main, qui m'avait béni, reposa jusqu'au dernier moment dans la mienne. Elle était si tiède encore quand je la joignis à sa main gauche qui tenait le crucifix. Dans une paix très amère, j'embrassai son visage si calme, si beau, et pour lui obéir même dans la mort, sans cesse je répétais « Que la volonté de Dieu soit faite ». Mais quand je ne vis plus rien de lui, pas même son cercueil, l'exaltation du sacrifice tomba. Sans pensée, sans parole, sans larmes, incapable de comprendre aucune chose et de supporter même la lumière du jour, je passais les jours et les nuits étendu sur mon lit, tous les volets de ma chambre fermés. Pendant que je gisais dans cet abattement qui résistait à tout et ne laissait plus d'espoir, tout à coup une voix s'éleva, douce comme celle d'un ange. Malgré mon état de prostration extrême, le chant m'arrivait, mais voilé, comme de très loin. Et le poids funèbre qui m'écrasait se soulevait. Je me ranimais à ce chant si tendre, si pénétrant. Dans ma pensée enténébrée, c'était la voix du chrétien qui, du fond de la tombe, chantait ses immortelles tendresses et ses impérissables espérances. C'était la voix de l'élu, qui du haut du ciel chantait les reconnaissances et les divines allégresses des consolés. Ce terrible silence de la mort, souffrance inexprimable de l'absence éternelle, il me semblait que l'amour de mon père l'avait vaincu, et combien de fois j'ai désiré revivre cette heure. Cette heure inoubliable, si étrange et si douce, où je me repris à la vie, bercé par une mélodie divine. Le chant se continuait toujours. J'écoutais comme si le ciel se fût entrouvert, et il vint un moment où j'aurais succombé, sous l'excès de l'émotion, sans les larmes qui soulagèrent mon cœur. Elles coulèrent en abondance, et à mesure qu'elles coulaient, je sentais en moi un apaisement très doux. « Maurice, Maurice, sanglota Mina, elle est sauvée !» Alors le jour se fit dans mon esprit. Je compris, et ensuite je demandai à voir Maurice. « Il viendra, dit le docteur, qui tenait ma main dans la sienne. Il viendra, si vous consentez à boire ceci, et à laisser donner de la lumière. » Malgré l'affreux dégoût, j'avalais ce qu'il me présentait. On ouvrit les volets, et je tenais ma figure cachée dans les oreillers, pour ne pas voir la lumière du soleil, qui me faisait horreur, parce que mon père ne la verrait plus jamais. Maurice vint, et à genoux, à côté de mon lit, il me parla. Il me dit de ses paroles qu'aujourd'hui, il chercherait en vain. Il me supplia de le regarder, et je ne pus résister à son désir. « Oh, ma pauvre enfant, oh, ma chère aimée !» gémit-il en apercevant mon visage. Le sien était brûlé de larmes. Mina me parut aussi bien changée. Ils étaient tous deux en grand deuil, et je ne puis me reporter à cette heure sans un attendrissement qui me fait tout oublier. Alors je sentais nos âmes inexprimablement unies. Je me sentais aimé, aimé avec cette infinie tendresse qui fait que le cœur tout entier s'émeut, se livre et s'écoule. Alors je croyais que la douleur partagée, c'était une force vive qui mêlait à jamais les âmes. Combien de fois, pour soulager mes tristesses, Maurice n'a-t-il pas chanté ? Maintenant, jamais plus je n'entendrai ce chant ravissant qui faisait oublier la terre, ce chant céleste qui consolait en faisant pleurer. 18 août. J'ai rêvé que je l'entendais chanter. Ton souvenir est toujours là. Et depuis, ô folle, ô folie, folie, je ne suis rien pour lui. Il ne m'aime plus. Il ne m'aimera plus jamais. Pourtant, au moment de partir, de me quitter pour toujours, il m'a dit « Angéline, si vous revenez sur cet injuste, sur cette folle décision, vous n'aurez qu'à me l'écrire. Souvenez-vous-en. » Non, je ne le rappellerai pas. Sans doute il viendrait, mais on ne va pas à l'hôtel couronné de roses flétries. Être aimé comme devant ou malheureuse à jamais. 19 août. On me répète toujours qu'il faudrait me distraire. Me distraire ? Et comment ? Ah, on comprend bien peu l'excès de ma misère. La vie ne peut plus être pour moi qu'une solitude affreuse, qu'un désert effroyable. Que me fait le monde entier, puisque je ne le verrai plus jamais ? 20 août. Comme un sentiment puissant nous dépouille, nous enlève à tout. Voilà pourquoi l'amour bien dirigé fait les saints. Que Dieu ait pitié de moi, il m'est bien peu de choses. Et c'est à peine si la pensée de son amour dissipe un instant ma tristesse. Pour moi, cette pensée, c'est l'éclair fugitif dans la nuit noire. 21 août. Je suis resté longtemps à regarder mon portrait, et cela m'a laissé dans un état violent qui m'humilie. Quand j'avais la beauté, je m'en occupais très peu. L'éloignement du monde, l'éducation virile que j'avais reçue, m'avait préservé de la vanité. Mon père disait qu'aimer une personne pour son extérieur, c'est comme aimer un livre pour sa reliure. Lorsqu'il y avait quelques morts dans le voisinage, « Viens, me disait-il, viens voir ce qu'on aime, quand on aime son corps. Mais si fragile, si passagère qu'elle soit, la beauté n'est-elle pas un grand don ?» 23 août. Ah, la tristesse de ces murs. Par moments, il me semble qu'ils suintent la tristesse et le froid. Et pourtant, j'aime cette maison, où j'ai été si heureuse, chère maison, où le deuil est entré pour jamais. Mais malheur à qui, dans le calme de son cœur, peut désirer mourir, tant qu'il lui reste un sacrifice à faire, des besoins à prévenir, des larmes à essuyer. 24 août. Il fait un grand vent accompagné de pluie. Toutes les fenêtres sont fermées, et seul devant la cheminée, je regarde le feu qui brûle à petit bruit, et j'écoute mugir l'aquilon de la nuit. La voix de la mer domine toutes les autres, les grandes vagues qui retentissent, qui approchent, m'inondent de tristesse. 25 août. En mettant quelques papiers en ordre, j'ai trouvé un affreux croquis de Maurice, qui m'a rappelé au vif une des heures les plus gaies de ma vie. Comme c'est loin, ces souvenirs gais, lorsqu'il m'en vient, me font l'effet de ces pauvres feuilles décolorées qui pendent aux arbres, oubliées par les vents d'automne. 26 août. Que veut dire Mina ? Je n'ose approfondir ses paroles, ou plutôt j'ai toujours sa lettre sous les yeux, et j'y pense sans cesse. Songe-t-il ? Non, je ne saurais l'écrire, et ne devrais-je pas m'y attendre ? N'est-il pas libre ? Ne lui ai-je pas rendu malgré lui sa parole ? Qui sait jusqu'à quel point un homme peut pousser l'indifférence et l'oubli ?